chars qui défilent. Chante mes idées avant qu'elle ne s'éclipse ou qu'elle ne change rien n'est décidé. Allez-y rigoler, picoler, déconner. Ouais, on sait faire que ça depuis qu'on est plus écolier. Détonné, le bruit que t'entends détonné. Cri du silence bétonné, voir tous les rois détrônés. Dépendant de tes gains pendant que les prétoliers veulent des gains. Rien de pantant, ils font de la zig pour enfants. Je me transcende si je m'accorde avec les accords. Si madame l'instru est d'accord, on passe la nuit ensemble. Caresse et violence, un couple passionnel. Sensationnel, je retrouve mes sens quand je redescends. C'est optionnel, le cœur y est, le truc se fait. Rien d'obsolète, pas de laurier, rien de glorieux. Mais jamais muselé, non. Faut retenir la leçon. Dans la vie y'a que toi et ce qu'il y a dans ton caleçon. Y'a du monde à rayer, y'a des gens à payer. C'est quand on parle de vérité que les gens se mettent à bégayer. On veut être bien, pas en place. Le luxe remplace rien, tout comme une pétasse remplace pas une femme bien. Dans les équipes ça manque d'unité, d'ambition. Une idée, réussir chacun est en mission. Sa rémission comme les anciens. Cru comme la transmission dans tes enceintes. Dur comme les prédictions. Attends, laisse redescendre la pression. L'impression qu'on a tous perdu la raison. Vas-y mets le son. Et toute l'équipe se met au mic. Je connais que des gars qui kick pas de gracieux mélomanes. On cherche à progresser, on n'est pas trop aidé. On doit penser à tout, mais j'avoue pour agir, on n'est pas trop pressé. En chacun de nous se cache un jaloux. Faut que tu provoques la chute d'un frère pour pouvoir te redresser. Vie monotone, l'égoïsme a le monopole. Donner une pièce, c'est donner de l'alcool aux pauvres. Donner du sien, sans rien attendre en retour. Attention aux propositions, quelque chose se cache en dessous. Les mains tendues abritent un piège. Chaque minute, je vois de quoi écrire un texte. J'insinue que c'est pas demain la veille qu'on fera la fête. Que la vie fera l'affaire en attendant rien que titube. Affronte la vie, les aléas, pas des modèles. La pâte à modeler marron nous rend malléable. Ça devient agréable, on travaille pour le diable. Les petits nous regardent, au final, on fait du parrainage. T'as tout fait, un échec, tu grimpes. T'inquiète, y'a quelqu'un pour shooter dans l'échelle. Pas de valeur, surtout quand c'est cher. Par malheur, parle pas d'amour, tu vois pas que c'est des chiennes. Tu veux entendre mon cœur, je te plante ma plume dans le tien. Les gens ont peur. Rien ne va plus l'ancien, les choses ont changé. Les jeunes veulent manger, rien n'a échangé. Rien à foutre du danger, engagé. Faudrait penser à l'être. Y'a un frère en cage, faudrait penser à lui poster la lettre. SN appelle à l'aide, ça fait 7 ans que j'en parle. Mais vu que tu l'entends pas, pour moi c'est qu'un énième rappel. Je vois les gens qui défilent.